nos abords d'Écosse. Quand le réel s'impose des bandes, mais je trouve le sous-sassé d'Irlande. Cette dans son guerre joue avec des briques, il parle de la vierge et de la république. Anti-aide et prêt qui nous marque, il est la reine et lui la plaque. Grand sœur celtique, protestant, catholique. Grand sœur celtique, protestant, catholique. Les échappés qui se fuient jadis, sous les cadeurs des champs baptistes, les corrochers fruchissent, les cantiques loyalistes. Aujourd'hui c'est le vernis, ils sont là pour leur communauté. En rêvant d'affronter les vies, à la gloire de leurs aînés. Rangeurs celtiques, protestants, catholiques. Rangeurs celtiques, protestants, catholiques. Rangeurs celtiques, protestants, catholiques. Rangeurs celtiques, protestants, catholiques.